appelle ça un réveil 5 étoiles avec les Red Hot Chili Peppers, My Friends, sur RTL 2, il est 6h. Bonjour et bon réveil, Jacob Banks arrive après vos infos. Raphaël Thomas nous rejoint pour ses premières infos. Bonjour Raphaël. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Et on commence avec la hausse des prix du carburant qui ne passe pas. Hein. Et non, selon un sondage Odoxa Dentsu Consulting, 78% des Français sont favorables au blocage des routes prévues dans 15 jours. En cause, la taxation du diesel qui doit d'ailleurs se poursuivre l'an prochain. Plus 6 centimes prévus pour le gasoil, plus 3 centimes pour l'essence. Ce matin, la pétition mise en ligne sur le site change.org pour une baisse des prix à la pompe a récolté près de 700 000 signatures. Il avait filmé un élève braquant une prof avec une arme factice. La vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux. C'était il y a 2 semaines à Créteil, dans le Val-de-Marne. Depuis, l'auteur du film restait introuvable. L'adolescent de 17 ans a finalement été identifié, arrêté et présenté à un juge des enfants hier. Un troisième élève a été interpellé pour avoir rediffusé la scène sur Internet. Alerte à la pollution dans les Bouches-du-Rhône. C'est probablement la conséquence de la collision entre deux bateaux au large de la Corse il y a un mois. Des boulettes d'hydrocarbures ont été retrouvées sur plusieurs plages de la Ciotat et dans les calanques entre Marseille et Cassis. Leur accès a été condamné. Les opérations de nettoyage devraient débuter ce matin. Fin octobre, c'est le Var qui avait été touché, une cinquantaine de plages au total. À l'étranger, Donald Trump durcit encore son discours sur l'immigration. À 5 jours des élections de mi-mandat, le président américain a de nouveau pris pour cible les caravanes de migrants venus d'Amérique latine. Il a déclaré que l'armée pourrait être amenée à tirer sur eux s'ils tentaient d'entrer illégalement aux États-Unis. Les sports après la Coupe de la Ligue, il y a de la Ligue 1, 12e journée ce soir. Ouais, à 20h45, le Paris Saint-Germain accueille son dauphin Lille au Parc des Princes. Demain, Lyon recevra Bordeaux et dimanche soir, Marseille se déplacera à Montpellier en match de clôture. En tennis, c'est parti pour les quarts de finale du Masters 1000 de Paris-Bercy. Marine Cilic a rendez-vous avec Novak Djokovic. Roger Federer lui affronte Kei Nishikori. Enfin, Yannick Noah a tranché. Le capitaine de l'équipe de France a décidé de tout miser sur Joe Wilfried Tsonga et de se priver de Gilles Simon. Pour la finale de la Coupe Davis, ce sera fin novembre. Il a également présélectionné Richard Gasquet, Jérémy Chardy, Lucas Pouille, Nicolas Mahut et Pierre Huguerbe. La météo, la vigilance orange crue est maintenue dans le Var. Dans la matinée, le temps sera gris et humide avec des bandes brouillards sur les régions allant du sud-ouest au nord-est du pays. Même chose sur la région PACA où l'on attend de la neige à partir de 1800 mètres. Attention en Corse, une nouvelle dégradation est attendue la nuit prochaine. Ailleurs, le temps sera plus calme avec une alternance de nuages et d'éclaircies une fois les brumes matinales dissipées. Les températures ce matin, elles seront encore un peu fraîches pour la saison. 6 degrés à Amiens et Strasbourg, 7 à Vichy et Landerneau, 10 à Marmande, 12 à Martigues et 15 à Ajaccio. L'après-midi, on attend 11 degrés à Valenciennes et à Dijon, 12 degrés à Paris, 13 à La Flèche et jusqu'à 17 à 7. 6h03, c'est RTL 2, vous êtes dans le best-of du double expresso. Oui, il y a encore du winner du jour, oui, il y a encore des infos expresso ou encore des top 3 de Jonathan O'Donnell au programme aujourd'hui. Et puis le son pop rock qui réveille, il est là lui aussi avec les Cranberries et Jacob Banks maintenant pour Unknown to You sur RTL 2. I believe what I said. Why does everyone end me wrong? If I told you different, would it sound the same? Would it make a difference in any way? Oh no. I know I done wrong, I'll pay for it. It's your turn to talk, for once I'm listening. Say that you don't want me, say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Tell me you've been tortured, tell me you've been betrayed. What I've done to you, even if it doesn't matter, matter. Say that you don't want me, say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Look at all this heartache, what is left? Forgetting how it started, this is how it ends. Oh no, I know I've done some wrong, I'll pay for it. But it's your turn to talk, for once I'm listening. Say that you don't want me, say that you don't need me. Tell me I'm the fool. RTL2, save the date, 15 décembre avec RTL2, il sera au Trianon de Paris, c'était Jacob Banks. Le double expresso RTL2. Le best-of avec Sylvain Alexis. Un spectacle sans portable, ne serait-ce pas la nouvelle tendance pour cette fin d'année 2018? Ah, c'est en tout cas ce que va proposer Florence Foresti, qui vient d'annoncer que pour les prochaines représentations de son spectacle Épilogue, à voir dès lundi à Paris, il n'y aura aucun téléphone portable dans la salle. En fait, elle va utiliser le système américain Yonder, qui permet de mettre son smartphone en sécurité dans une pochette scellée électroniquement le temps de la représentation. Ça évite aussi les photos et les piratages. Tu laisserais, toi, ton smartphone, Jérém, comme ça, dans une pochette? J'aurais du mal. Ouais. Ouais, beaucoup de mal même. Moi aussi. Et alors, tu sais que c'est pas une première, puisque Jack White avait déjà fait ça à l'Olympia de Paris l'été dernier, et c'est peut-être donc l'avenir des spectacles. Mmh. Les organisateurs nous disent que, pour nous vendre du rêve, hein, tu vois, que ça permettra de vivre une expérience unique, un moment de vie sans son téléphone portable. Voilà, on verra ce que ça donne. Nous, ce matin, on vous propose de garder le téléphone pas loin. Bah oui, pour faire tourner la roue Pop Rock, à gagner tout à l'heure l'iPad Pro, il faut nous appeler au 3228. Vous pouvez le faire dès maintenant. Hein. Bah oui, on va en reparler avant 7h. Et pour le moment, les Cranberries sont là avant une info expresso. Spécial shopping ce matin. Vous êtes sur RTL2. Bon réveil, Pop Rock. Bonjour chez vous. Imagination, le son pop rock des Cranberries sur RTL2. Presque un an après le décès de Dolores O'Riordan, le groupe a confirmé la sortie d'un album posthume pour l'année prochaine. Ce sera le dernier. Il marquera la fin définitive des Cranberries. Il est 6h10 sur RTL2 et cette question, le shopping fait-il vraiment du bien au moral? Mythe ou réalité? Greg et Justine vont nous répondre dans l'info expresso à suivre ce matin. Info expresso après le boss. Ça fait bien démarrer la journée. Ça, c'est Bruce Springsteen qui arrive très très vite sur RTL2. À l'occasion de la sortie du film Événement Bohemian Rhapsody, Queen est à l'honneur sur RTL2. Tout ce week-end, lorsque vous entendez un titre de Queen, envoyez par SMS RTL2 au 74 900 et gagnez peut-être l'intégrale du groupe. Et dimanche à 19h, Stéphanie Renouva nous raconte la pop-rock story de l'album mythique de Queen, A Night at the Opera. RTL2. La radio pop-rock. 75 centimes plus coût du SMS. Le

C'est ton moment, vas-y. Qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes aujourd'hui? Ne laissez pas une critique vous miner le moral. Bien sûr, et nous passons sans transition aux médailles d'argent. Bélier, restez toujours aussi simple, c'est ce qui vous définit le mieux. Les taureaux, vous êtes déterminés à travailler dur pour assurer votre avenir. Gémeaux, votre entourage apprécie beaucoup votre gentillesse. Les lions, c'est la journée idéale pour vous rafraîchir les idées. Balance, vous, vous êtes déterminés à défendre vos idées jusqu'au bout aujourd'hui. Scorpion, restez à l'affût. Une bonne nouvelle devrait tomber dans les jours à venir. Les Verseaux, votre humour ne laisse personne de marbre. Les poissons, continuez de sourire. Mais oui, la vie est belle. Et la médaille d'or, Sagittaire, ça j'aime. Bah, c'est mon signe. Aucun obstacle ne viendra vous barrer la route aujourd'hui. Vraiment, vraiment, tout va bien. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. Chandelier, signé Sia sur RTL2. Elle est partout, Sia, en ce moment, en trio sur le projet LSD. Et puis, en solo aussi avec un nouveau single, I'm Still Here, sorti il y a quelques jours. Voilà, un peu plus ancien, mais toujours aussi bon. Aerosmith est à venir. I don't want to miss a thing. C'est avant le winner du jour et après vos infos de 6h30. Bon réveil pop rock avec RTL2. Bonjour. C'est Lenny Kravitz. Écoutez RTL 2. Partez à la rencontre de Lenny Kravitz pour son concert à Milan. À tout moment sur RTL 2. RTL 2, la radio pop rock. Le Leclerc. Chérie, l'auto Leclerc fête ses 30 ans. Vite, les clés de la voiture. Quoi, là tout de suite? Avec des super promos sur des grandes marques d'équipements auto et sur les pneus, on fonce. Il y a un grand jeu avec à gagner des cartes cadeaux de 10, 20, 30 et 50 euros et une Renault Clio Trend. Et tu me dis ça comme ça? Du 23 octobre au 10 novembre, venez profiter d'offres exceptionnelles et participer au grand jeu anniversaire des centres l'auto Leclerc. Voir modalité sur www.auto.leclerc ou à l'accueil des magasins participants. L'auto Leclerc fête ses 30 ans. Allez, allez, on est parti. The Fray Plus Aerosmith, à venir juste après vos infos de 6h30 sur RTL2 avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Alerte orange au cru, levée à l'instant dans le Var. Hier, un homme a été retrouvé mort noyé dans sa voiture dans le département. Il avait emprunté une route interdite d'accès barrée par un panneau en raison des inondations. Son épouse qui était à ses côtés a pu s'en sortir en se réfugiant à l'arrière du véhicule. Les producteurs de lait sont en colère. Ils dénoncent les promotions à répétition sur les produits laitiers dans les grandes surfaces. Le gouvernement avait promis d'encadrer les rabais excessifs qui pèsent directement sur les producteurs. Des actions coup de poing sont prévues cet après-midi dans la Sarthe et en Seine-Maritime. Il avait filmé un élève braquant une prof avec une arme factice. La vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux. C'était il y a 2 semaines à Créteil, dans le Val-de-Marne. Depuis, l'auteur du film restait introuvable. L'adolescent de 17 ans a finalement été identifié et présenté à un juge des enfants hier. Les salariés de Google unis contre le sexisme et le racisme, de Singapour à New York en passant par Londres et la Californie. Des milliers d'employés ont cessé le travail hier pour dénoncer la gestion des cas de harcèlement au sein du groupe. La semaine dernière, le New York Times avait révélé que Google avait couvert ces dernières années plusieurs responsables impliqués dans des agressions. Plus de 1000 journalistes tués depuis 2006, c'est ce que révèle un rapport de l'UNESCO à l'occasion de la Journée mondiale contre l'impunité de ces crimes. Hier soir, la Tour Eiffel s'est éteinte symboliquement le temps d'une minute de silence en hommage aux reporters assassinés. Parmi eux, le Saoudien Jamal Khashoggi, tué début octobre dans son consulat à Istanbul. Les sports entrés en matière, réussis pour Roger Federer hier au tournoi de Paris-Bercy. Le Suisse, qui n'avait plus joué depuis 3 ans dans la capitale, s'est qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 en battant l'Italien Fabio Fognini en 2-7. Aujourd'hui, il va tenter de décrocher son ticket pour le dernier carré face au japonais Nishikori. En football, belle affiche ce soir pour le début de la 12e journée de Ligue 1 à 20h45. Le PSG reçoit Lille et puis lui devra se contenter du sprint. Usain Bolt ne sera pas professionnel chez les Mariners. Le club de foot australien a mis fin à la période d'essai du champion olympique qui rêvait d'une reconversion dans le ballon rond. La météo, la vigilance orange crue vient d'être levée dans le Var. Dans la matinée, le temps sera gris, humide avec des bandes brouillard sur les régions allant du sud-ouest au nord-est. Même chose sur la région PACA où l'on attend de la neige à partir de 1800 mètres. Attention en Corse, une nouvelle dégradation est attendue la nuit prochaine. Ailleurs, le temps sera plus calme avec une alternance de nuages et d'éclaircies une fois les quelques brumes matinales dissipées. Les températures ce matin, il fait 3 degrés à Pontarlier, 6 à Paris, 7 à Boulogne-sur-Mer et à Tours, 10 à Mont-de-Marsan et à Corté, 15 à La Ciotat. Cet après-midi, on attend 10 degrés à Clermont-Ferrand, 11 à Laon et Nancy, 13 à Concarneau et 18 degrés à Gruissan. Bon réveil avec le double expresso RTL 2, le son paprock. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping. While you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet. son pop rock qui envoie des images d'Armageddon dans la tête avec RTL2. C'est Aerosmith ce matin. I don't want to miss a thing. Et oui, c'était sur la bande originale du film. Bon début de journée. C'est vendredi, c'est bientôt le week-end. Si vous ne profitez pas déjà carrément des vacances avec RTL2 et le best-of du double expresso qui continue, Greg et Justine nous présentent ce matin winner du jour 5 étoiles. Il était plagiste. Il ne l'est sans doute plus aujourd'hui. C'est même carrément certain. Écoutez. L'Expresso RTL 2, le winner du jour. Un winner trouvé ce matin sur quoi ? Sur nicematin.fr. D'accord. Si je commence la phrase par « Il avait un travail harassant et aucun endroit pour se reposer ». Forcément, vous vous dites « Lui, il a une bonne tête de winner ». C'est un plagiste de 28 ans qui, 2 heures par jour, après son service, pendant 3 semaines au mois d'août, eh bien, a profité à l'œil de quoi ? Des installations du prestigieux hôtel Martinez à Cannes pour se détendre. Mais non, bah quel si. Culot. Ah bah oui, ah bah, tranquillement. Sympa. C'est un Parisien, bon ça ne détendra personne du tout, qui a été condamné quand même par le tribunal correctionnel de Grasse à 100 jours amende à 5 euros pour s'être introduit dans ce 5 étoiles installé sur la Croisette sans y être autorisé. En gros, hein, il a profité notamment des salons et des spas sans jamais avoir payé un seul centime. Il avait été invité dans l'établissement 2 années auparavant, mais c'était pour me reposer 1 ou 2 heures, a-t-il dit au juge, toi, rien de grave. Je voulais être seul et en plus charger mon téléphone. Bon, alors évidemment, il affirme n'avoir consommé que de l'eau en bouteille et mangé des pommes. Enfin, bon. Il faut oser quand même. Il faut oser. Culot quand même. Il faut se reposer aussi. Mais bon, déjà, les pommes dans les hôtels comme ça, c'est 60 balles à mon avis, la pomme. Au moins, la Golden, 65 euros. Je peux te dire, j'ai vu la carte. Il a consommé. Hein. Bravo, c'est notre premier winner du jour. Il était ce matin dans le Double Expresso RTL2. Et oui, c'est le problème quand on truande. Faut être malin. 6h38, c'est RTL2. Voilà chez vous, The Fray pour How to Save a Life. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window. C'est une bonne question. How to save a life, les jours où il fait froid et pas beau dehors, qu'on n'a qu'une envie, c'est de rester au chaud. L'iPad Pro, c'est ce que je vous réponds, c'est pas mal ça, pour regarder ce que vous voulez

can't see. Nothing really matters. Nothing really matters to me. Le double expresso. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. De James Bond sur RTL2 ce matin avec Adele pour Skyfall. Après quoi, il y a une bonne odeur de top 3 dans le best-of du double expresso RTL2. Eh oui, il est là, Jonathan O'Donnell. L'actualité revue et corrigée par Jonathan O'Donnell dans le double expresso RTL2. Du spirit, de l'esprit, il en a. C'est même sa principale qualité. Le reste, on cherche encore. C'est Jonathan O'Donnell. Bonjour, Jonathan. Bonjour, un peu de physique quand même, un truc un peu sympa, non? Ah, oh, génial. Ouais. Ah, bon, ouais, physique facile. Allez, on y va pour Allez, le top 3 de l'actu. Au Mexique, un couple a été arrêté à Ecatepec de Morelos, une ville du Mexique, avec des restes humains dans une poussette. Ah. Ouais, bon, ok, il y a des bébés qui sont pas jolis, mais là, parler de restes humains, c'est pas très sympa quand même. Ah non, on l'a jamais fait ça. Oh, il est reste humain. C'est un beau reste humain. Ouais, pas cool, pas cool. Non, non, non. Allez, on file au Royaume-Uni. Un adolescent qui est devenu chauve à 16 ans s'est fait tatouer des cheveux pour retrouver confiance en lui. Ouais. Oh. Deux minutes, Greg, je finis ma chronique, je te donne l'adresse après. Laisse-moi, je bosse. Hein. Bah, le stabilo marche très très bien. Tu as plus de mal à trouver un stabilo noir, mais ça marche très très bien. Du coup, je mets du rose ou du jaune, c'est un peu étonnant. Ouais, bah, du gris aussi. Ouais, bah, et oui. Toi, cours. Cours très, très vite. Allez, on termine en Normandie. L'église Saint-Paul de Granville est mise en vente par la mairie pour 30 000 euros, mais d'importants travaux sont à prévoir. Et si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez toujours prier. Sur un malentendu, ça peut marcher. C'est le bon endroit pour ça. Le talent de nous faire sourire en une minute, c'est ça. Jonathan O'Donnell qui revient pour un nouveau top 3 avant 9h sur RTL 2. Pour ce qui est du son pop rock, l'homme en or est en approche. Jean-Jacques Goldman, c'est la bonne idée qu'on a eue pour vous réveiller ce matin. Après les infos de 7h sur RTL 2, à tout de suite. Salut, c'est Eric Jean-Jean. Tous les jours, à partir de 16h, je vous retrouve avec le Drive RTL 2 pour vous raccompagner chez vous. Avec au menu du son pop rock, des jeux, des infos sur le son pop rock, des interviews, des découvertes et encore du son pop rock. Bref, à tout à l'heure sur RTL 2. Tous les jours, 16h-19h, le Drive RTL 2. Leclerc. Oh cool papa, t'as repris des bananes chez Leclerc? Non, non, j'ai repris des bananes bio chez Leclerc. Ah, elles sont bio? Oui, oui, bio mais a pris Leclerc. Et le bio a pris Leclerc. C'est le bio pour tout le monde. Voilà, une petite banane bio. Chez Leclerc, le bio est réservé à tous. Du 30 octobre au 3 novembre, les bananes bio Cavendish, catégorie 2, calibre P20, origine République Dominicaine ou Équateur selon arrivage en magasin, sont à 1,19€ le kilo. Voir modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Papa, c'est quand même cool de pouvoir s'acheter des bananes bio. Eh oui. RTL2 présente le 13 Tour d'Indochine, la tournée événement. Vivez le concert d'Indochine, le plus grand groupe de rock français, en direct de l'Accor Hotel Arena. Indochine en concert. Vendredi 16 novembre à 21h. En direct sur TMC et RTL2. En ce moment, dans les magasins U, ce sont les ventes privées live. Et Pablo croise Louise, responsable du rayon épicerie. Mon fils est un peu soupolé. Hein. Oh, bah ça tombe bien. Vous avez 35% de remise immédiate sur le lot de 2 briques d'un litre de pur souple et big. Ça fait 2,59€ le lot. À la louche. Et jusqu'à demain, 20% en plus en Eurocarte U. Ça fait mouche. Alors dépêchez-vous. Les ventes privées live, c'est jusqu'à demain dans les magasins U participants. Liste sur magasinu.com, soit 1,30€ le litre. U. Commerçons autrement. Pour votre santé, évitez de grignoter. Vendredi matin, vous écoutez RTL2, Jean-Jacques Goldman arrive après les infos, 7h. Raphaël Thomas nous rejoint. Bonjour Raphaël. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Un prêtre lanceur d'alerte sanctionné par l'Église. Les évêques ont exclu le père Pierre Vignon du tribunal ecclésiastique de Lyon. Le religieux était très impliqué dans le suivi des victimes de pédophilie. En août dernier, il avait publiquement demandé la démission du cardinal et archevêque de la ville, Philippe Barbarin. Ce dernier est accusé d'avoir couvert l'un de ses proches accusés de nombreux abus sexuels. La hausse des prix du carburant ne passe pas, selon un sondage d'Odoxa Dentsu Consulting. 78% des Français sont favorables au blocage des routes prévues dans 15 jours. En cause toujours la taxation du diesel qui doit d'ailleurs se poursuivre l'an prochain. Plus 6 centimes pour le gasoil, plus 3 centimes pour l'essence. Ce matin, la pétition mise en ligne sur le site change.org pour une baisse des prix à la pompe a récolté près de 700 000 signatures. Il y a une alerte à la pollution dans les Bouches-du-Rhône. C'est probablement la conséquence de la collision entre deux bateaux au large de la Corse il y a un mois. Des boulettes d'hydrocarbures ont été retrouvées sur plusieurs plages de la Ciotat ainsi que dans les calanques entre Marseille et Cassis. Leur accès a été condamné. Les opérations de nettoyage doivent débuter aujourd'hui. Fin octobre, c'est le Var qui avait été touché, une cinquantaine de plages au total. À l'étranger, Donald Trump durcit encore son discours sur l'immigration. À 5 jours des élections de mi-mandat, le président américain a de nouveau pris pour cible les caravanes de migrants venus d'Amérique latine. Il a déclaré que l'armée pourrait être amenée à tirer sur eux s'ils tentaient d'entrer illégalement aux États-Unis. Les sports en football, coup d'envoi ce soir de la 12e journée de Ligue 1. À 20h45, le Paris Saint-Germain accueille son dauphin Lille au Parc des Princes. Demain, Lyon recevra Bordeaux et dimanche soir, Marseille se déplacera à Montpellier en match de clôture. En tennis, c'est parti pour les quarts de finale du Masters 1000 de Paris-Bercy. Marine Cilic a rendez-vous avec Novak Djokovic. Roger Federer lui affronte le japonais Kei Nishikori. Enfin, Yannick Noah a tranché hier. Le capitaine de l'équipe de France a décidé de quasiment tout miser sur Joe Wilfried Tsonga et de se priver de Gilles Simon pour la finale de la Coupe Davis prévue fin novembre. Il a également présélectionné Richard Gasquet, Jérémy Chardy, Lucas Pouille ou encore Nicolas Mahut. La météo dans la matinée, le temps sera gris et humide avec des bandes brouillard sur les régions allant du sud-ouest au nord-est. Même chose sur la région PACA où l'on attend de la neige à partir de 1800 mètres. Attention en Corse, une nouvelle dégradation est attendue la nuit prochaine. Ailleurs, le temps sera plutôt calme avec une alternance de nuages et d'éclaircies une fois les brumes matinales dissipées. A noter que la vigilance crue vient d'être levée dans le Var. Les températures ce matin, il fait 5 degrés à Saint-Quentin et à Roanne, 6 à Fessenheim, 7 à Saint-Brieuc, 10 à Bayonne, 11 à Aix-en-Provence et 16 à Bastia. Cet après-midi, on attend 11 degrés à Valenciennes et à Dijon, 12 à Paris et au Mans et 19 degrés à Nice. Vous êtes dans le best-of du Double Expresso sur RTL2. Greg et Justine sont de retour lundi et nous ont laissé leur meilleur moment pour aujourd'hui encore. Dans cette heure, la chanson du jour choisie par Greg parmi les classiques pop-rock RTL2. On aura aussi un savoir inutile, une info expresso pour évoquer nos comportements en vacances. Et dans 3 minutes, je vous donne une idée, job de rêve. 3 minutes, ça laisse le temps d'écouter ensemble Jean-Jacques Goldman sur RTL2. Un début de janvier, si j'ai bien su compter. Reste de fête ou bien veut très appuyé. De Ruth ou de Moïse, lequel a eu l'idée? Qu'importe, j'ai gagné la course. Et parmi des milliers, nous avons tous été vainqueurs. Même le dernier des derniers, une fois au moins les meilleurs. Nous qui sommes nés au creux de nos mères, qu'il fait bon mûrir. Puis j'ai vu de la lumière. Alors je suis sorti, j'ai dit parfum de la pluie, chaque jour un nouveau réveil, chaque jour une autre nuit. Des routes et des motards, et des matchs de rugby, des spaghettis, Frédéric Dard, et Johnny Winter aussi. On m'a dit c'est qu'une étincelle, avant l'obscurité, juste un passage, un arc-en-ciel, une étrange absurdité. Des frères, des tendres, des trésors à chercher, des vertiges à prendre, à comprendre, des filles à caresser. Je me suis dit bonne idée. Soirée était tombée avec mon sac et ma guitare. J'étais un peu fatigué. Tout était si désert pour me désaltérer. Et puis j'ai vu de la lumière et je vous ai trouvé. C'est vrai, c'en est une très bonne d'avoir choisi de se retrouver sur RTL2 ce matin avec Jean-Jacques Goldman. Le double expresso RTL2. Le best-of avec Sylvain Alexis. Et voilà une autre bonne idée, chers amis, pour vous qui cherchez du travail ou qui voulez changer de vie. Caresseur de chiens pour 100$ de l'heure. C'est dingue ça. Un restaurant américain de l'enseigne Mutz Canine Cantina recrute des caresseurs de chiens pour sa nouvelle adresse à Fort Worth au Texas. Vous imaginez 100$ de l'heure pour caresser des chiens. Alors la question c'est comment est-ce qu'on postule évidemment. Voici la marche à suivre. Jérémy note bien. Prends ton stylo. Voilà, c'est bon. Alors en fait, il faut que vous fassiez une vidéo de vous en train de prendre soin de vos animaux. D'accord. Vous en profitez pour expliquer votre motivation pour le poste. Et vous postez cette vidéo sur le compte Instagram de Mutz Canine Cantina, Mutz, M-U-T-T-S avec deux T donc. Et une fois sur le compte, utilisez le mot dièse hashtag Mutz Pupterne

rapproche encore un petit peu plus du week-end avec RTL2. Il y avait X Ambassador dans le best-of du Double Expresso où les Fan Young Cannibals arrivent. J'ai prévu Ed Sheeran aussi avant 7h30. Et maintenant, Greg, Justine, toute la team Double Expresso RTL2 est avec nous pour une Info Expresso où il est question de vacances. Allez, j'ai trouvé ça sur Paris Match ce matin. 63%, c'est le pourcentage de voyageurs qui estiment qu'ils ne sont pas assez téméraires lors de leurs vacances. Tu es un peu casanier, quoi. Est-ce que ça vous concerne, l'équipe ? En effet, non. Voilà. Alors oui, Jonathan, il l'est complètement, lui. Il va dans sa zone de confort. Toi, c'est un peu entre les deux, Greg. C'est-à-dire que maintenant que les enfants grandissent, je suis davantage téméraire. Par exemple, c'est vrai que cet été, j'ai fait un road trip au Canada. Oui. C'est pas un truc que j'aurais pu faire quand les enfants étaient petits. Certains le font, bravo, mais c'était pas mon cas. Moi, je suis un peu plus aventurière que vous. Oui, toi, tu tentes des pays étonnants. Toi, tu es même inconsciente. Non, mais j'aime bien tenter des choses. Limite dangereuse. Mais beaucoup de gens passent à côté d'opportunités de découverte par peur souvent de repousser leurs limites. Ouais. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est la barrière de la langue. Je pensais à Jérémy, à notre réalisateur qui ne parle pas du tout anglais. Est-ce que ça t'empêche d'aller dans certains pays? Ils s'en foutent. Je vais tout le temps aux États-Unis, j'adore. Mais c'est quoi ce pouvoir d'achat dans cette équipe? Les gars, faut qu'on négocie tout ça. Ouais, c'est pas faux. 28% des sondés aussi déclarent que ça peut les empêcher donc de prévoir un voyage. 34% se sentent freinés par la difficulté de trouver un hébergement. Et 26% redoutent l'imprévu. C'est qu'il y a un quart des gens qui ont peur de ne pas avoir quelque chose de planifié. Moi, je trouve que c'est la magie des vacances, les rencontres. Ouais, de toute façon, Juju, à elle seule, c'est une aventure. De toute façon, vous verrez, il n'y a pas besoin de partir loin. 7h20, vous êtes sur RTL2, nous sommes le 2 novembre aujourd'hui. Bonjour chez vous. Ce vendredi est spécial pour Jean-Luc Reichmann qui n'attendra certainement pas à midi pour recevoir des premiers textos. Un bon anniversaire pour ses 58 ans. 6 de moins ce vendredi pour David Schwimmer, Ross dans Friends. J'adore, il a 52 ans. Ce vendredi qu'on démarre tous ensemble en version pop rock. Voici chez vous les Fan Young Cannibals sur RTL2. Thank you. son pop rock des Fam Young Cannibals sur RTL2 She Drive Me Crazy. À l'international, nous serons encore avec la chanson du jour du Double Expresso à 7h35. Et puis avec Ed Sheeran qui arrive après l'horoscope. Alors, qu'est-ce que ça donne pour aujourd'hui, pour votre journée? On commence par les médailles de bronze. Vierge, vous avez besoin de prendre le large, patience, le week-end arrive. Cancer, il faut que vous vous preniez plus de responsabilités. C'est l'objectif de votre journée. Capricorne, ne laissez pas une critique vous miner le moral. Médaille d'argent maintenant, vous êtes nombreux. Oui, les béliers d'abord, restez toujours aussi simples, c'est ce qui vous définit le mieux. Taureau, vous êtes déterminé à travailler dur pour assurer votre avenir. Gémeaux, votre entourage apprécie beaucoup votre gentillesse. Les lions, c'est la journée idéale, oui, pour vous rafraîchir les idées. Balance, vous êtes déterminé à défendre vos idées aujourd'hui, et ce jusqu'au bout. Scorpion, restez à l'affût, une bonne nouvelle devrait tomber dans les jours à venir. Verseau, votre humour ne laisse personne de marbre. Les poissons, continuez de sourire, mais oui, la vie est belle. Et enfin, la médaille d'or, elle est pour les sagittaires. Aucun obstacle, ami sagittaire, ne viendra vous barrer la route aujourd'hui. Vraiment, tout va bien. Et maintenant, petite pause romantique. On prend ? Allez, suivez-moi, 7h24. C'est avec Ed Sheeran, un mec qui sait faire. Et pour la suite ce vendredi pop rock avec Happier. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms. Only a month we've been apart. You look happier. Saw you walk inside a bar. He said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier. You do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. Ain't nobody love you like I do. It personal, baby. If you're moving on with someone new, 'cause baby you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too, and until then I'll smile and hide the truth that I know I was happier. Sat in the corner of the room. Everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier, aren't you? Guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile and hide the truth. I know I was happier with you. Hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah, I knew one day you'd fall for someone new. But if he breaks your heart like lovers do, just know that I'll be waiting here for you. Je parle doucement, bon réveil avec RTL2. C'était Ed Sheeran avec Happier. Et c'est avec Shape of You qu'il va devenir le titre le plus vu sur Internet d'ici 2020. Ed Sheeran, c'est ce que nous disent les spécialistes. Il est proche des 4 milliards de vues au moment où on se parle, derrière les 5 millions de Despacito. Mais ça devrait bouger dans les mois qui arrivent. Ces chiffres rendent complètement dingue. Irish Coffee chez vous ce matin. On va peut-être attendre un petit peu. Il préfère un double expresso RTL2. Le best-of continue avec la chanson du jour choisie par Greg. Elle arrive après vos infos. Ouais. Et les Irlandais, d'où l'Irish Coffee, on s'est compris, ouais. Les Corrs, Breathless à suivre sur RTL2.

Stars sur RTL2 avec Breathless à 7h36. On va croiser avant 8h Naya ou encore George Michael pour le son pop rock, mais également un savoir inutile du Double Expresso qui nous livre maintenant sa chanson du jour. RTL2, la chanson du jour. Bon, j'avoue, j'ai pas été assez patiente. J'ai regardé, c'est la chanson du jour et c'est ma chanson préférée de l'univers. Ah, je suis content. De l'univers. De l'univers. Oui. Ah, oui, attention. Ah, je suis trop content. Alors attention, je fais un peu le foufou, je fais un peu le gueudin. On est hors format, on casse les codes. Mais ça va passer crème. C'est idéal pour le week-end. C'est pas super pop rock, mais c'est la chanson de The Weeknd avec Daft Punk, I Feel It Coming, qui a été un succès mondial, numéro 1 à peu près partout dans le monde. C'est ce chanteur canadien qui est également producteur de son vrai nom. Ça, vous le savez peut-être pas. Abel Makonnen Tefai. Ah, je ne savais pas. Bah voilà. Mais du coup, c'est fait appeler ce week-end. Plus facile. So, I Feel It Coming avait été donc créé avec les franchises de Daft Punk. C'était avant Noël 2016. Ouais, déjà, quand même. Extrait de l'album Starboy. C'était aussi une chanson écrite avec Daft Punk. Alors, c'est une chanson, comme souvent avec The Weeknd, qui tourne autour de la sexualité. Hein, ça n'étonnera personne. Oui. C'est l'histoire d'un garçon qui console une jeune femme qui a eu de mauvaises expériences par le passé. Je vous laisse écouter les chansons, vous allez comprendre comment il se console. Ah, a priori, ça se passe plutôt bien. En France, cette chanson a été reprise par Juliette Armanet. Ouais, très jolie. Avec Je te sens venir, c'était le titre de sa chanson. Faites-vous des câlins, ça donne envie. Voilà, bah. J'aurais pas mieux derrière ça de toute façon. Donc The Weeknd avec Daft Punk, I Feel It Coming, c'est ma chanson du jour. Ça sent bon le week-end et surtout ça fait du bien aux oreilles. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to run.

pass like time, and they can't steal the love you're born to find. I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never . 7h47, j'ai un iPad Air Pro à vous offrir maintenant au 32-28. Vous savez qu'il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Non, vraiment, il vous reste précisément 2 minutes 45. 32-28 pour jouer avec nous, faire tourner la roue pop rock. Après Naya, nouveau talent RTL de Girl on the Moon. C'est une fille de la lune, une étrange funambule, acrobate de l'infini, la voie lactée pour la vie. Au-dessus d'un monde à ses pieds, elle défie les lois de la gravité, la tête à l'envers, accrochée à ses rêves célestes, émissaire. C'est une fille de l'air. Miss Univers. Dans l'émission The Voice, Naya sur RTL2 avec Girl on the Moon. La roue pop rock RTL2. 7h50, qui a des bras musclés ce matin pour faire tourner cette roue pop rock. C'est Valérie qu'on rejoint pas loin de Rouen. Bonjour Valérie. Bonjour Sylvain. 32-28, vous avez appelé Clara qui vous a tiré au sort. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Valérie? Vous avez travaillé là ou alors vous êtes en vacances? Dites-moi tout. Non, je suis déjà sur le pied de guerre, je suis au travail et j'ai un 5 bars dans un club de sport et ce soir il y a un spectacle dans la salle culturelle à côté. Que donc se passe-t-il comme spectacle? D'accord. C'est un spectacle voilà. Sur quoi? C'est un chansonnier, c'est, je peux pas dire la pub, donc c'est un chansonnier. N'hésitez pas à venir nous voir en tout cas. D'accord, très bien. Bon, on va faire tourner la roue pop rock, Valérie, tout de suite. J'ai un iPad Pro à vous proposer. En fait, la sortie du film Bohemian Rhapsody, c'est sorti mercredi, c'est vachement bien. Je vous conseille d'aller le voir, pourquoi pas ce week-end s'il fait pas beau du côté de chez vous. Je fais tourner la roue, vous me dites stop, il y a un titre de la playlist RTL2 qui se cache derrière. Faut le trouver. Et normalement, c'est gagné. Vous êtes prête, Valérie? Ok, c'est parti. Attention. Top. Ah bah non. Et ce n'est pas un chansonnier, hein, écoutez bien. Oh, oh là là. Je connais ça. Georges? Jean-Michel. Ah, oh, bah alors oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Jérémy me regarde avec un regard. Jérémy, c'est vendredi, c'est mon dernier jour avec vous. Je voulais que ça gagne. Et puis en plus, Valérie, elle est sympa. Elle est dans son snack bar. Elle a commencé sa journée tôt. Et ben voilà. Eh ben bravo. Et ben merci, voilà, Thomas. C'est gagné. Merci Jérémy. Voilà. Pas de problème. Oh, il est tout rouge. Il est mignon, Jérémy. Oh, quand oui. Il... oh bah oui, bah oui, bah oui. Merci pour votre sourire, Valérie. Bon courage dans merci. Le snack bar. Bonne soirée avec le chansonnier mystère. Et l'iPad arrive très vite chez vous. Merci Sylvain, je peux faire une petite dédicace? Allez-y rapidement. Alors une petite dédicace pardon à tous mes collègues de Mediapost. Ils vont se reconnaître, je les embrasse tous particulièrement. Voilà. Et ben c'est passé et juste parce que la curiosité en fait fait que il était impossible que je raconte. Juste en chuchotant le nom du chansonnier, je vous écoute. Yves Jamais. Ok, très bien. Merci, bonne journée Valérie. Merci Sylvain, à bientôt. George Michael tout de suite pour Freedom, c'est le son pop rock qui réveille avec RTL. Bon début de journée.

Avant ça, les infos de ce vendredi avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Et d'abord, la hausse des prix du carburant ne passe pas. Hein. Selon un sondage Odoxa Dentsu Consulting, 78% des Français sont favorables au blocage des routes prévues dans 15 jours. En cause, la taxation du diesel qui doit d'ailleurs se poursuivre l'an prochain. Plus 6 centimes prévus pour le gasoil, plus 3 centimes pour l'essence. Ce matin, la pétition mise en ligne sur le site change.org pour une baisse des prix à la pompe a récolté près de 700 000 signatures. Un prêtre lanceur d'alerte sanctionné par l'Église. Les évêques ont exclu le père Vignon du tribunal ecclésiastique de Lyon. Le religieux était très impliqué dans le suivi des victimes de pédophilie. En août dernier, il avait même publiquement demandé la démission du cardinal et archevêque de la ville, Philippe Barbarin. Ce dernier qui est accusé d'avoir couvert l'un de ses proches, accusé lui-même de nombreux abus sexuels. Alerte à la pollution dans les Bouches-du-Rhône. C'est probablement la conséquence de la collision entre deux bateaux au large de la Corse il y a un mois. Des boulettes d'hydrocarbures ont été retrouvées sur plusieurs plages de la Ciotat et dans les Calanques entre Marseille et Cassis. Leur accès a été condamné. Les opérations de nettoyage devraient débuter ce matin. Fin octobre, c'est le Var qui avait été touché, une cinquantaine de plages au total. Un Américain exécuté sur la chaise électrique, Edmund Zakorski, a été tué cette nuit dans le Tennessee après 34 ans passés dans le couloir de la mort. Cette méthode d'exécution, qui n'est quasiment plus autorisée, n'avait pas servi depuis 2013 aux États-Unis. Les États-Unis, où à 5 jours des élections de mi-mandat, Donald Trump a par ailleurs menacé d'ouvrir le feu sur les migrants qui tenteraient de passer la frontière. Les sports en football, coup d'envoi ce soir de la 12e journée de Ligue 1. À 20h45, le PSG accueille son dauphin lillois au Parc des Princes. Demain, Lyon recevra Bordeaux. Dimanche soir, Marseille se déplacera à Montpellier en match clôture. En tennis, c'est parti pour les quarts de finale du Masters 1000 de Paris. Bercy, Marin Cilic a rendez-vous avec Novak Djokovic. Roger Federer, lui, affronte le japonais Kei Nishikori. Enfin, Yannick Noah a tranché hier. Le capitaine de l'équipe de France a décidé de quasiment tout miser sur Joe Wilfried Tsonga et il se prive de Gilles Simon pour la finale de la Coupe Davis prévue fin novembre. La météo dans la matinée, le temps sera gris et humide avec des bandes brouillard sur les régions allant du sud-ouest au nord-est du pays. Même chose sur la région PACA où on attend de la neige à partir de 1800 mètres dans les Alpes. Attention en Corse, une nouvelle dégradation orageuse est attendue la nuit prochaine. Ailleurs, le temps sera plus calme avec une alternance de nuages et d'éclaircies une fois les brumes matinales dissipées. Et puis je vous rappelle que la vigilance crue a été levée ce matin par Météo France dans le Var. Les températures, 5 degrés actuellement à Compiègne, 6 à Mâcon, Belle-Île-en-Mer et Agneau, 10 à Espelette, 13 à Hyères et à Calvi. Cet après-midi, on attend 10 degrés à Boulogne-sur-Mer, 12 à Paris et Belfort, 13 à Angers et 18 à Cannes. 6h-9h, le double expresso RTL 2. When you look so good, the pain in your face doesn't show. c'est le genre de titre, si vous arrivez à le prononcer deux fois, You're the best thing about me, You're the best thing about me, c'est que vous êtes bien réveillé. C'était YouTube sur RTL 2, 8h07. Le double expresso RTL 2. Le best-of avec Sylvain Alexis. Et cette info qui nous est livrée ce matin, Florence Foresti va interdire les téléphones portables dans son prochain spectacle. Ça commence lundi, ça s'appelle Épilogue, c'est à voir à Paris et puis ensuite il y aura une tournée en France. Alors pas de portable, c'est un système américain en fait qui s'appelle Yonder. L'idée c'est de mettre son smartphone en sécurité dans une pochette scellée électroniquement le temps de la représentation. Ça évite ainsi qu'il y ait des photos et des piratages. Bon, les organisateurs eux nous disent que c'est tout simplement pour avoir plus de communication avec l'artiste et ne pas être perturbé par son téléphone portable. Jérém, tu laisserais toi ton téléphone portable dans une pochette comme ça en toute confiance ? Alors franchement, impossible. Ouais, moi c'est j'aurais... pareil, hein, tu sais que je me tâte, tu le laisses une heure et demie et puis il peut tout arriver, genre t'as une urgence, tu vois, on te passe les un coup enfants, de fil. Bon, en tout cas, si vous n'acceptez pas ce processus, vous ne pourrez pas rentrer au prochain spectacle de Florence Foresti. Et c'est fou parce que c'est pas la première fois que ça se fait en France. Figurez-vous que Jack White l'avait fait l'été dernier à l'Olympia de Paris. Bon, ça avait plutôt bien marché. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Et évidemment, d'ici lundi, hein, puisque lundi commence le nouveau spectacle de Florence Foresti, à laquelle, du coup, on fait pas mal de pubs grâce à cette petite info, ce petit détail et que nous ne négligeons pas ce matin. Tom Thumping, ça aussi pour la prononciation, c'est pas mal ce matin. Pour être sûr qu'on est bien réveillé, c'est Chumba Wamba qui prend la suite sur RTL2 avant l'info expresso. Thumping dans le best-of du double expresso sur RTL2 à 8h11. Merci de nous avoir choisi ce matin. Vous savez quoi, on est très très proche du week-end. Voir, vous y êtes déjà si vous avez fait le pont de 4 jours. Profitez-en bien. Avec RTL2, évidemment, et une info expresso à venir. On va parler shopping. Est-ce que le shopping, ça fait vraiment du bien au moral et pourquoi pas à la santé? Greg va tout nous dire avec cette info expresso qui arrive après Imagine Dragons. L'album sort dans une semaine, Origins. Le

il n'y a pas que le shopping qui enlève la tristesse. Le son pop rock RTL2 et le best-of du Double Expresso, ça marche bien aussi pour un vendredi presque en week-end. Prochain moment culte de l'émission, le winner du jour avec une histoire d'animaux et de tapage nocturne. Ce sera aux alentours de 8h35 et pour le son pop rock qui réveille, on a plein de bonnes choses à venir comme Nathalie Imbruglia et Muse. Ah, ça vous avez reconnu, ça a démarré juste en dessous. Starlight sur RTL2. Avec RTL2 à 8h24, Muse, Starlight, Nathalie Imbruglia pour la suite, mais également Christine and the Queens. Et votre horoscope maintenant pour savoir comment ce dernier jour avant week-end va se passer. On commence par les médailles de bronze pour ce vendredi. Les Vierges, vous avez besoin de prendre le large, patience, le week-end arrive. Les Cancers, il faut que vous preniez plus de responsabilités jusqu'à ce soir, c'est important. Capricorne, ne laissez pas une critique vous miner le moral. Médaille d'argent, maintenant les Béliers, restez toujours aussi simple, c'est ce qui vous définit le mieux. Taureau, vous êtes déterminé à travailler dur pour assurer votre avenir. Les Gémeaux, votre entourage apprécie beaucoup votre gentillesse. Les Lions, c'est la journée idéale pour vous rafraîchir les idées. Balance, vous êtes déterminé. Ouais, déterminé à défendre vos idées toute la journée. Scorpion, restez à l'affût. Une bonne nouvelle devrait tomber dans les jours à venir. Les Verseaux, votre humour ne laisse personne de marbre. Poisson, continuez de sourire. La vie est belle, comme dit Indochine. Et puis la médaille d'or, elle est pour les Sagittaires. Aucun obstacle ne viendra vous barrer la route aujourd'hui. Tout va bien, foncez sur vos idées et n'ayez pas peur d'assumer vos opinions. Nathalie Imbruglia est là sur RTL2 comme promis avec Torn, 8h25. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. This is how I feel. I'm cold and I am shaking.

23 avec RTL2, 76 ans aujourd'hui, vendredi 2 novembre pour Stephanie Powers, actrice américaine, héroïne du feuilleton L'amour en héritage, mais surtout pour l'amour du risque. Jonathan et Jennifer, vous vous souvenez? Bah oui, forcément. Figurez-vous que parmi les fans de la série, il y avait Christine and the Queens quand elle était petite. La voici avec Christine sur RTL2. C'est du sentiment. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient. La tournée française commence le 4 décembre par le Zénith de Nantes, c'est sa ville d'origine. Elle jouera entre autres à l'Accor Hôtel Arena de Paris les 18 et 19 décembre prochains. Vous pouvez réserver encore les quelques places qui restent sur rtl2.fr. 8h36, c'est le best-of du Double Expresso. Avant d'écouter ensemble Narcotique de Liquido, nous parlons d'animaux, animaux et tapage nocturne avec notre winner du jour, Greg Justine, c'est à vous. Trouvé sur ladépêche.fr ce matin, on parle de nos amis les animaux. Alors, le monde animal qui peut parfois être assez gênant. Après les cigales qui agacent les touristes dans le sud-est, vous vous souvenez, on en avait parlé, ou les cloches des troupeaux de vaches qui dérangent les résidents dans les campagnes. Là, c'est un grillon qui est coupable de tapage nocturne. Qui a provoqué quand même le désarroi d'une habitante de Foix dans la nuit de jeudi à vendredi. Une habitante du coup. Ah oui, une habitante de Foix. Il était une fois dans la ville de Foix, une marchande de Foix. Bon, bref. Voilà. Bon, il était, je vous raconte la chose, il était un peu avant 5h du matin. Donc, cette habitante a appelé le commissariat pour une alarme qui retentissait en boucle chez son voisin. Et puis, ça l'empêchait de dormir à 5h du mat, je comprends. Tu m'étonnes. À leur arrivée, les policiers ont cherché donc l'origine du bruit. Et en fait, ils ont conclu que l'alarme, c'était juste un grillon. Elle était bourrée. Qui chantait sous le mur. Elle était ivre morte. Le grillon devait être très violent, je sais pas. Elle était torchée. Peut-être qu'elle rentrait de soirée. Toi qui as l'habitude de ça, à 5h du mat, tout ça. Moi, je dors, direct. Il n'y a pas d'alarme qui la réveille, je te le dis. C'est notre winneuse du jour. Bravo à elle et bravo au grillon tapageur. Du best-of du Double Expresso avec tout à l'heure un top 3 de Jonathan O'Donnell et Liquido pour se réveiller ce matin. Ça j'adore, vous pouvez monter le son sur l'autoradio, sur le radio réveil ou sur votre téléphone si vous nous écoutez sur l'application rtl2.fr. Parce que c'est bon ça le matin. Liquido, Narcotique sur RTL2.

like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Shawn Mendes sur RTL2, figurez-vous qu'il a repris un titre de Queen et David Bowie, Under Pressure, pour la bande originale de Bohemian Rhapsody. Le film, à voir, ah, on vous l'a dit, bah, je vous le répète, à voir parce qu'il est vraiment bien dans toutes les salles obscures. Shawn Mendes avec In My Blood sur RTL2, 8h52, Oasis, whatever, pour la suite avant les infos de 9h. Et puis maintenant, eh oui, top 3, bye Jonathan O'Donnell, on y va. Le double expresso RTL2, le top 3 de Jonathan O'Donnell. Toute sa famille attend cette chronique avec impatience, évidemment, et désormais la France pop rock. Jonathan O'Donnell, bonjour. Bonjour Grégory, tu as raison, ils sont là, derrière le poste, à nous écouter. Ça va Justine? Oui, pleine forme. Toi aussi, tu attendais cette chronique avec impatience? Bien entendu. Alors, je t'emmène à Toulouse. Des policiers municipaux ont été agressés au couteau et à l'eau bouillante lors d'un contrôle de papier d'un commerçant. C'est mal. Eh ben, mais quelle idée de faire un contrôle à un mec qui est en train de se préparer des coquillettes aussi. Hein, c'est, Faut laisser tranquille, il y a un temps de cuisson, il y a tout. Hein, donc bon. Tu mets du jambon et du gruyère râpé sur la coquillette aussi, toi? Non, merci. Je mange ça nature, tranquillement. Et petite info politique pour continuer. Le chef des forains, Marcel Campion, annonce être candidat à la mairie de Paris en 2020. Ah oui? Et, ouais, et il propose de réouvrir les voies sur berge aux autotamponneuses, apparemment. C'est sa première annonce. C'est ma blague préférée, voilà, je vous le dis. Les autotamponneuses, j'adore. Et enfin, fait divers, un cheval qui s'était échappé de son écurie à Chantilly a fait irruption dans un bar PMU. Ah ouais? Il a demandé 3 bancos et 2 cartouches de cigarettes. Faut pas avancer. 8h54 sur RTL2, bien avant d'être la musique qui illustre une publicité pour une banque. C'est un classique, pop rock comme on les aime ça. Hein. Oasis, whatever, pour se réveiller tranquillement, bon début de journée.